Alors bon, suite à nos deux interventions, là, je vous propose de revenir sur un terrain plus religieux, puisque donc je vais vous parler de l'Église catholique, de l'Église catholique en région parisienne. Donc c'est une enquête que j'ai menée par observation et entretien, et plus précisément, je vais vous parler de conversion et d'accompagnement personnalisé. Alors, au tout début de cette enquête, je suis parti d'une question à la fois simple et compliquée, qui est: quand on est adulte aujourd'hui en France, à Paris, comment devient-on catholique? Alors techniquement, pour recevoir ce qui s'appelle les sacrements du baptême, hein, comment ça marche? Alors il faut passer par une phase préparatoire. Pardon. Une phase préparatoire qui est en fait une période de formation. Alors elle n'est jamais décrite comme une période de formation par les agents sur le terrain, puis vous allez comprendre après pourquoi, mais c'est une période donc qui dure 2 à 3 ans en moyenne. Donc pour moi, dès le début de cette enquête, ça a été un peu un premier élément de surprise, hein, parce que je pensais que le baptême était donné sur simple demande, ou disons peut-être un petit catéchisme, mais en tout cas pas 2 ans ou 3 ans de formation. Alors, pour vous donner une idée un peu quantitative du phénomène, donc faut savoir qu'en 2017, on a un peu plus de 4500 adultes qui ont été baptisés en France métropolitaine, et en 2005, on en avait 2400, donc les chiffres sont pas mirobolants, hein, mais bon, ça fait quand même une croissance de 87% sur une dizaine d'années. Et sur ces 4500 baptêmes, on a à peu près 1460 baptêmes qui ont eu lieu à Paris. Voilà, donc ça fait de Paris un espace un peu spécifique. Alors, du point de vue historique, c'est au moment du Concile de Vatican II, en 1963, face en fait à l'augmentation du nombre de demandes de baptême par les adultes, que la décision a été prise de restaurer une période pour préparer les candidats au baptême. On appelle cette période donc le catéchuménat. Et les candidats sont appelés des catéchumènes. Alors, en fait, donc ça veut dire qu'avant... C'est exactement ma question. Comment c'était avant? Oui, donc avant Vatican II, pas de catéchuménat. Enfin, il y a eu un catéchuménat en fait des premiers siècles de l'Église. Voilà, un très ancien dispositif qui s'est éteint au 5e, 6e siècle, à partir du moment où on a commencé à baptiser les enfants, en fait. Donc, bon, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, Michel Foucault en a beaucoup parlé dans ses cours au Collège de France, sont les leçons de février 1980. Bon, mais pour ce qui nous intéresse, nous, c'est bien en 1963 que le catéchuménat réapparaît et est de nouveau instauré. Alors, tout ce parcours-là, il est détaillé dans un ouvrage qui s'appelle le RICA, le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Donc c'est le texte officiel, c'est un texte liturgique, et il a été adopté en France à la fin des années 90. Donc il aura fallu une trentaine d'années pour qu'une traduction française arrive de Vatican II jusqu'à l'échelon local des paroisses. Alors, le parcours initiatique est composé de plusieurs temps, etc. Mais bon, tout ça, c'est des détails dans lesquels je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse directement. Je vais en venir directement au titre de la présentation. Alors, durant toute cette période préparatoire de 2 à 3 ans, les candidats vont bénéficier de ce qui s'appelle une relation d'accompagnement personnalisé. Alors, qu'est-ce que c'est? Chaque candidat va être accompagné individuellement par un membre de la communauté, donc un laïc, un membre non ordonné, un homme ou une femme, et jeune ou moins jeune, et puis qui aura été recruté par le responsable paroissial et formé à cette fonction. Alors donc, à chaque catéchumène est attribué un accompagnateur. Et en général, le candidat au baptême va voir son accompagnateur une fois tous les 15 jours. C'est une moyenne, ça peut être une fois par semaine, ça peut être plus parfois. Et en plus de ça, ils vont avoir des réunions collectives. En général, c'est une fois par mois, où se rassemblent dans une petite pièce de l'église tous les candidats au baptême de différents niveaux et leurs accompagnateurs, et puis les responsables, le curé, un prêtre, etc. Bon, c'est un moment de discussion, c'est un moment de partage, souvent sous la forme d'un cercle de partage, et puis c'est aussi un moment de travail où on va parler d'un extrait de la Bible, etc. Alors, je vais vous parler de ce dispositif pédagogique que l'Église a mis en place pour former ses adultes. Et l'idée que je vais développer maintenant, c'est que cette formation des croyants débutants, cette formation qui est essentiellement basée sur la relation d'accompagnement personnalisé, eh bien, elle met en scène un mode particulier d'autorité institutionnelle. Un mode particulier parce que cette autorité, dans le dispositif, a tendance à se nier elle-même, à se faire oublier. L'institution est en fait l'accompagnateur, le mandataire de l'institution, dans cette formation, cherche à disparaître pour que s'établisse apparemment une relation sans médiation entre le candidat et la parole de Dieu, et la rencontre avec Jésus-Christ. Alors, bon, c'est un mécanisme qui, là, doit commencer à résonner, c'est très similaire de ce dont a parlé Yannick ce matin. Ça se traduit empiriquement par une insistance très très forte sur l'horizontalité des relations d'accompagnement, sur un souci de la non-imposition des croyances, de la non-directivité des pratiques, le primat de la liberté, de l'autonomie des personnes. Et donc c'est, je crois, précisément dans cette apparente non-directivité que la relation d'accompagnement puise à la fois sa légitimité et sa force socialisatrice. Je crois que c'est vrai, en fait, bien au-delà de ce terrain particulier, dans d'autres relations d'accompagnement, et j'aurai peut-être le temps d'en reparler en conclusion. Alors, cette formation, elle est vécue, évidemment, par les participants sur un registre très, très intime, très personnel. Elle est vécue comme, donc je cite, un cheminement personnel. Ça peut aller jusqu'à dire que c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. J'ai aussi une citation, un enquêté qui me dit que c'était le moment d'une découverte de ce qui avait toujours été là en moi. Donc on retrouve cette rhétorique du devenir soi-même, quelque part, de l'introspection. Mais bon, d'autre part, c'est une formation qui permet d'atteindre des objectifs collectifs. Ce sont en fait tous les apprentissages du rôle de catéchumène, de nouveaux chrétiens. Ce sont les différents niveaux auxquels va s'appliquer, va se déployer cette socialisation, puisque à l'issue de la formation, en fait, les nouveaux chrétiens, ils seront intégrés à leur paroisse, ils vont s'y engager de différentes manières. Ce seront des pratiquants qui seront capables de lire la Bible, qui sauront en parler, des pratiquants qui assistent plus ou moins régulièrement aux messes dominicales, qui sauront s'y comporter, ce sont des choses qui sont absolument pas naturelles, il y a une formation du corps, mais aussi ce seront des chrétiens avec un récit de conversion bien travaillé, bien ficelé, des chrétiens qui aussi tâchent de vivre conformément aux valeurs de l'institution, bon, toutes ces choses-là qui sont en fait majoritairement travaillées dans la relation d'accompagnement. C'est bien là que le candidat apprend ses nouveaux comportements, qu'il élabore son récit de conversion, qu'il parle avec son accompagnateur des problèmes de la vie quotidienne et de la manière d'agir en conformité avec les Écritures. Alors, bon, pour cette présentation, je vous propose qu'on se place du côté de l'institution, du côté des accompagnateurs, et je vais vous présenter les trois mécanismes qui permettent, à mon sens, d'une part à l'institution de se faire oublier, et d'autre part de délivrer une formation collective tout en maintenant le sentiment chez les candidats, chez chaque candidat, que son cheminement est unique, le sentiment d'avoir tout à fait librement choisi l'orientation de sa conversion. Alors, la première caractéristique dont je vais vous parler, c'est le fait que ce dispositif est dirigé par un personnel laïque. Le deuxième mécanisme, ce sera celui de la personnalisation de l'offre de formation, qui est en fait une forme d'ajustement du dispositif, de la prise en charge à chaque personne. On s'ajuste à son niveau, à ses connaissances, à ses dispositions. Et le troisième mécanisme, ça concerne cet effort d'invisibilisation du travail qu'on opère sur l'individu, que l'accompagnateur va opérer sur l'individu. Donc on est du côté de l'institution et on observe comment le dispositif est pensé, comment il est organisé et comment tout ça est rationalisé, justifié. Alors, qui sont les accompagnateurs? Bon, plus de trois quarts d'entre eux sont des laïcs, c'est-à-dire que ce sont des paroissiens ordinaires. Ils sont repérés dans la communauté par le curé ou par le responsable laïc pour leur pratique régulière, pour leur présence aux offices, pour leur bonne connaissance de la Bible, pour leur bonne intégration, ce sont des gens qu'on connaît, mais aussi pour leur caractère et leur personnalité. Alors, ils sont recrutés ensuite par le responsable, c'est-à-dire qu'ils sont appelés, on ne candidate pas dans l'église, on est appelé, et ils sont formés à l'accompagnement. Ils ont rarement moins de 40 ans, comme les coachs. Ils sont, alors pour beaucoup de ceux que j'ai rencontrés, je veux dire la totalité en fait, ils sont diplômés du supérieur, ce sont des médecins, des juristes, des ingénieurs, des artistes, des enseignants, des psychologues, des psys, plein de choses, des cadres formateurs en entreprise. On a aussi quelques professionnels paramédicaux, quelques employés, assez peu. Et donc un accompagnateur au cours d'un entretien m'explique avec une espèce de fierté dans la voix, il me dit ce sont des gens, les accompagnateurs en matière d'études ou de niveau, disons, culturel, eh bien, ce sont des gens de très bon niveau. Il est lui-même accompagnateur. Bon, alors donc globalement, on a un groupe qui couvre un spectre assez large de professions situé dans la partie supérieure de l'espace social. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont surreprésentés dans des métiers où s'exerce ce que Dominique Mémy appelle la domination rapprochée. Donc elle définit, elle, comme une relation de domination qui s'exprime dans un rapport de face-à-face physique entre les protagonistes. Eh bien, on trouve beaucoup d'accompagnateurs dans ces métiers-là, de formateurs, d'enseignants, de psy, d'avocats. Alors, jouer sur la proximité. Bon, donc il faut bien comprendre que quand l'Église mobilise ce personnel laïque, c'est-à-dire qu'elle le recrute et qu'elle forme ce personnel, elle s'inscrit dans la dynamique que Céline Béraud a décrite, cette dynamique institutionnelle, historique, de redistribution du travail religieux, de redistribution des tâches entre les prêtres et les laïcs. Il y a une nouvelle division du travail religieux qui se met en place, et des laïcs sont invités à prendre en charge des tâches qui étaient avant l'apanage des prêtres. Bon, mais dans le cas du catéchuménat, ça a une certaine limite, cette manière de considérer ici l'investissement des laïcs, puisque si effectivement il n'y a pas assez de prêtres pour accompagner tout le monde, en fait, accompagner tous les candidats, mais ce n'est pas la raison principale qui ressort pour expliquer le recours à ce personnel laïque. Alors un curé de paroisse, le père Jacques, il me dit la chose suivante: le prêtre, il fait toujours un peu peur, même si on fait tout notre possible pour être sympa. Mais voilà, il y a toujours un peu de distance. Donc avoir un interlocuteur, avoir comme interlocuteur le prêtre, c'est important, mais avoir aussi une autre personne qui, elle, soit beaucoup plus proche, parce qu'elle est laïque, parce qu'elle travaille, parce qu'elle est jeune, c'est aussi un atout. Il faut pouvoir se répartir le travail. Donc là, on voit que le laïc, il est privilégié parce qu'il est perçu comme un semblable, hein, il n'est pas ordonné, il conserve tous les attributs symboliques de la vie ordinaire, de la vie séculière. Il est donc plus proche des candidats, et vous comprenez bien que là, on mise sur la proximité pour que se déclenche un certain processus d'identification. Donc ça illustre assez bien assez bien le souci du rapprochement dont Isabelle Astier a parlé à propos des médiateurs sociaux, dont l'un des maîtres mots est agir au plus près de l'usager, un peu leur slogan. Et c'est bien cette nouvelle règle du social qui travaille, cette nouvelle dynamique, travaille beaucoup d'institutions, et notamment l'institution catholique, on le voit là. Alors c'est cette proximité, ce rapprochement, qui constitue pour l'Église une sorte de stratégie, même si j'aime pas vraiment le mot, une forme de stratégie d'ajustement du dispositif, qui permet d'éloigner la figure hiérarchique principale, qui peut faire un peu peur, comme dit le père Jacques. Je passe à la deuxième partie pour vous parler des ajustements du dispositif. Alors j'ai appelé ça une prise en charge taillée sur mesure, et donc là je vais énumérer un certain nombre d'éléments qui vont appuyer cette idée. Alors une première variable d'ajustement, qui est aussi la plus évidente quand on va sur le terrain, celle qu'on repère le plus vite, c'est le temps de formation, et cette variable vient souligner le caractère personnalisé de l'offre de formation. Alors Jean-Marie, un accompagnateur, me dit la chose suivante: un jour, quand il nous semble que la personne, accroche, et qu'on constate bien une démarche de foi, eh bien on lui demande si elle veut bien rentrer en catéchuménat. Donc on en discute avec l'accompagnateur, et puis le curé, et en général ça se passe comme ça, et puis on lui propose. Et puis après, ce catéchuménat, il va durer, eh bien ça dépend de là où en est la personne. Donc là, l'idée, c'est de dire un peu à chacun son temps de formation, et c'est l'encadrement qui va juger de là où en est la personne. D'accord ? Je cite. Alors, dans cette formation, on va plutôt parler d'itinéraire de foi, d'itinéraire de découverte de soi, d'itinéraire de découverte de sa relation à Dieu. C'est un terme qui est largement préféré à celui de parcours, puisque le parcours renvoie, c'est ce qui est ressorti des entretiens, renvoie une représentation plus collective de la formation, alors que l'itinéraire, lui, résonne de manière plus individuelle. Donc c'est une nuance lexicale qui paraît être rien du tout, mais encore une fois, ça souligne le caractère individualisé de l'offre, je cite, pour que chacun soit suivi pour ce qu'il est. Donc pour le dire autrement, si on a bien un ordonnancement séquencé des étapes fixées à l'avance, je ne vous ai pas décrit en introduction, mais il y a différentes étapes, bien, la durée de chacune de ces étapes est variable en fonction des individus. Ce n'est pas une question de date, me dit un accompagnateur. Donc voilà, donc il y a une certaine élasticité du parcours. Moi, j'ai constaté que ça pouvait aller d'un an de formation pour les bons élèves et d'un an et demi de formation, disons, pour les bons élèves, jusqu'à 5 ans pour les moins bons élèves. Donc on voit que ça confère au dispositif une certaine souplesse, quoi. Alors, le deuxième élément dont je vais vous parler, c'est la question de la distribution stratégique des éléments nouveaux. Donc, toujours en lien avec la personnalisation de l'offre de formation. Donc, c'est une formation dans laquelle il n'y a pas d'intitulé de séance, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de programme, comme à l'école en fait, il n'y a pas tout ça. Et l'accompagnateur, il a une certaine marge de manœuvre pour apprécier l'état d'avancement du candidat. Donc, ils vont dire que c'est à partir de l'expérience quotidienne du catéchumène, de sa réalité, de ses questions du moment, de ses doutes, de ses craintes, etc., que l'accompagnateur va ajuster ses réponses, donner certaines interprétations, etc. Donc concrètement, pour se caler un peu sur l'expérience quotidienne du candidat, l'accompagnateur va proposer certains extraits de la Bible censés répondre à ces questions. Pour ça, il a des outils. Bon, je l'ai dans mon sac, je vous le montrerai après si vous voulez. C'est un manuel de l'accompagnateur, ça s'appelle « Rencontre avec Jésus-Christ ». Et donc il y a un petit fascicule pour l'accompagnateur. Et l'accompagnateur sait que par exemple... il sait que par exemple, si en début d'entretien, le catéchumène pose la question de savoir comment il peut voir la présence de Dieu dans sa vie, ben, l'accompagnateur, s'il connaît bien son manuel, il sait qu'il a un module jaune et bleu qui aborde ces questions avec des exercices à faire, un parcours un petit peu séquencé comme ça. Pareil, quand c'est des problématiques de deuil, il sait qu'à la page temps, il peut aborder la question du deuil et de la mort. Alors, une candidate au baptême me disait « On allait vraiment à mon rythme, on partait de mes questions ». Et elle me disait, avec mon accompagnatrice, il y avait vraiment un échange. Elle allait doucement, elle te présentait les choses sans aucune prétention. Donc, ce souci de rejoindre le candidat là où il est, pour mieux le faire avancer, ça implique aussi un choix minutieux des termes qui sont employés. Du coup, il est très fréquent que certains mots, comme péché, exorcisme, résurrection, soient mis de côté au début. Et puis que ce soit introduit plus en douceur pour ne pas brusquer le candidat, c'est ce qui est dit. Donc parce que si le type n'a jamais entendu parler d'exorcisme ou de résurrection, bah il risque de trouver que les idées sont un peu farfelues, quoi. Et puis donc de ne pas revenir en entretien. Donc l'accompagnateur est sommé d'agir avec une certaine prudence et un certain tact. Donc là, on voit que ce que j'appelle cette distribution stratégique des interprétations, des mots, etc., c'est ce qui permet une imprégnation progressive des catégories religieuses à la réalité du candidat. Alors, un idéal d'ajustement socio-économique de la prise en charge. Donc une autre manière dont le dispositif s'ajuste, qui est moins visible au premier coup d'œil, puisqu'elle est moins verbalisée par les agents, va consister à former, dans la mesure du possible, dans la mesure des stocks disponibles, les binômes de travail sur la base des affinités sociales et culturelles des deux parties. Donc une accompagnatrice me dit quand on nous envoie des jeunes en recherche qui sont artistes, eh bien on les donne aux artistes. Ça a beaucoup d'effets. On a un couple là, elle chante et lui il est créateur de mobilier contemporain. Ils sont tout à fait artistes. Et bien avec ce couple là, on sait qu'on peut leur donner des artistes, forcément il y a une proximité. Donc là on voit que la proximité statutaire, c'est-à-dire le statut de laïc dont j'ai parlé tout à l'heure, est redoublée par une proximité sociale et culturelle qui est décrite par Simone, l'accompagnatrice, comme un élément facilitateur du processus d'initiation. Ça a beaucoup d'effets, comme elle dit. Et donc on voit se former des binômes équilibrés, dans la mesure où le profil des candidats correspond à celui des accompagnateurs, c'est-à-dire des diplômés du supérieur, pour le dire rapidement, qui exercent des professions dans la partie haute de l'espace social. Donc on a des juristes avec des juristes, des ingénieurs avec des médecins, des profs avec des profs, etc. Et ça implique, en fait, cette formation de binôme, ça implique aussi bien souvent une proximité dans les styles de vie, dans les goûts, et donc on sait depuis la distinction qu'il y a cette proximité-là, et on voit par exemple que certains candidats, en plus de voir leurs accompagnateurs au moment des entretiens, vont aussi ensemble se faire un théâtre, se faire une expo, etc. Donc là encore, on joue sur une certaine proximité. Bon, mais en réalité, c'est un idéal, c'est-à-dire qu'il ne concerne qu'une minorité des candidats, puisque pour la plupart de ceux que j'ai rencontrés moi étaient plutôt issus de classes populaires, de petites classes moyennes. Donc certains sont diplômés du petit supérieur, pour reprendre l'expression de Sophie Orange, qui désigne toutes les formations pro et courtes après le bac. D'autres ont un niveau bac, voire certains, pas mal, inférieurs au bac. Et les chiffres du SNCC, le Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat, qui produit des chiffres, confirme ça, puisque sont surreprésentés parmi les candidats les ouvriers, les employés, les techniciens. Ces trois catégories forment la majorité des candidats. Donc, dans la majorité des situations, on a un déséquilibre entre le statut socio-économique de l'accompagnateur, qui est toujours élevé, on l'a vu, et celui de l'accompagnant. Et un déséquilibre qui est redoublé par l'ancienneté de l'accompagnateur dans l'institution, par ses connaissances bibliques, liturgiques, historiques, dont il est crédité par le simple fait qu'il soit recruté comme accompagnateur. Donc on a un déséquilibre structurel de la relation qui est un problème pour l'institution, puisque la relation d'accompagnement est pensée comme un rapport horizontal dans lequel il ne peut pas y avoir d'autorité, de domination de l'un sur l'autre en matière de foi, etc. C'est impensable. Donc dans ces cas majoritaires, où on constate une dissymétrie assez forte, une dissymétrie structurelle de la relation, il apparaît difficile de réussir à faire croire en une certaine horizontalité du rapport, et pourtant on va voir que certains moyens permettent d'y parvenir. Alors, donc une relation d'accompagnement qui est pensée profondément horizontale, l'accompagnateur ne doit pas avoir d'autorité sur l'accompagné. Le terme même d'accompagnement est choisi et utilisé pour écarter tous les autres termes qui renverraient à un peu trop de directivité. Déjà on ne parle plus de direction spirituelle dans l'Église, hein. Aujourd'hui on parle d'accompagnement spirituel, mais ça permet aussi d'écarter les termes de préparation, de formation, de prise en charge. Donc comment, la question c'est de savoir comment les agents parviennent à rétablir, à la fois dans leur discours et dans leur pratique, l'illusion d'une certaine égalité relationnelle, et au fond comment ils parviennent à occulter le rapport de domination objectif qui caractérise cette relation d'accompagnement. Alors je vous propose qu'on se penche sur le vocabulaire qui est employé pour décrire cette relation, cette initiation. Donc là, au moment de Vatican II, quand il propose de restaurer le catéchuménat, on introduit le terme d'initiation. Et ce terme, on en trouve une définition dans le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, qui est un texte important. Alors dans ce texte, ils définissent l'initiation. Dans ce texte national, le sujet actif du verbe initier est Dieu lui-même. Il n'en va pas de même dans l'emploi usuel. Lorsque des responsables publics disent par exemple qu'ils ont initié un projet, une action ou une rencontre, ils mettent en avant une action dont ils réclament pour eux-mêmes la paternité. Il en va de même dans l'expression « initier à quelque chose ». Celui qui formule un tel projet se déclare préoccupé de faire apprendre à quelqu'un les rudiments de la maîtrise d'un art, d'une science ou d'une compétence artisanale. Il se déclare alors lui-même initiateur. Donc là, vous voyez que dans le catéchuménat des adultes, les initiateurs du projet, c'est-à-dire le personnel de l'institution, n'est pas considéré comme le personnel qui initie vraiment le candidat. Ils sont simplement des agents de liaison. Et le texte poursuit en disant « Une pédagogie qui relève de l'initiation est une démarche qui cherche à réunir les conditions favorables pour aider les personnes à se laisser initier par Dieu. » Donc là, on voit qu'en redéfinissant le terme d'initiation, on réduit l'action des accompagnateurs à un cadre simple, ce qu'ils appellent les conditions favorables, un cadre qui ne génère aucun effet en lui-même, mais qui permet au candidat d'entrer dans une sorte de tête-à-tête avec le Seigneur, qui est lui considéré comme le seul grand initiateur. Donc le personnel, en fait, il s'agit seulement pour le personnel de l'institution d'organiser la rencontre entre le candidat et Dieu. C'est Jésus-Christ qui initie, cette affirmation est la porte d'entrée, le fil conducteur de notre démarche. Alors c'est de ce postulat de départ que découlent toutes les argumentations, toutes les justifications, et découle notamment le fait que l'action des accompagnateurs soit sans cesse minimisée, voire totalement déniée en tant que telle, avec des expressions du style « je ne suis pas en mesure de faire les choses, c'est Dieu qui les fait à travers moi », me dit une accompagnatrice. Et donc si on a une forme de neutralisation de l'activité humaine, eh bien, l'interaction entre l'accompagnateur et l'accompagné ne peut pas être pensée sur le modèle dissymétrique du maître et de l'élève, ou du catéchiste et de l'élève, d'accord ? Donc une accompagnatrice me dit, je la cite, « Il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'on fait du scolaire, évidemment. » Et elle continue, « Ils ne rentrent pas dans une relation d'enseignement, plutôt dans une relation de partage. » Alors, Cette relation d'accompagnement, elle implique que tous les attributs traditionnels de la relation pédagogique soient écartés. Un autre accompagnateur me dit, il n'y a pas un programme, on dirait, ah zut, il faut que je fasse le programme, si on n'a pas tout vu, ça ne marchera pas. Donc on a absence de programme, pas de diplôme, puisqu'il est souvent dit que le baptême ne doit pas être vu comme un diplôme. Ne pas être considéré comme ça. On a un parcours avec des étapes élastiques, contrairement aux années scolaires qui sont elles fixées. Et on a un mode qui se comprend plutôt sur le partage plutôt que l'enseignement. Donc tous ces éléments rassemblés ont tendance à mettre à distance l'image classique, dissymétrique de l'apprenant à l'écoute de son professeur. Alors, comme le terme d'initiation, le mot de pédagogie, qui est très souvent employé lui aussi, est complètement revisité. Et là encore, ça passe par l'euphémisation de ce qui renverrait trop explicitement à un rapport de domination. Le sens, en fait, l'acception commune du terme est évacuée. Le mot de pédagogie prend un sens bien différent de celui donné à l'école de la République. Il n'est donc pas synonyme d'instruction, de savoir à connaître et d'objectifs fixés à atteindre, mais d'un accompagnement sur le chemin de la rencontre vers le Christ, qui sans cesse s'approche, cherche à la relation, appelle à la conversion et à la foi. Alors une fois que les termes sont redéfinis comme ça, le déséquilibre de la relation est comme jeté dans l'ombre, d'une certaine manière, et on n'a plus que deux individus en apparence égaux, donc ça se traduit dans le discours des accompagnateurs, quand ils emploient des expressions comme « je suis pas meilleur que lui », ils disent souvent ça, ils disent aussi « j'apprends autant que lui », avec l'idée de rappeler combien c'est inconcevable que l'un soit supérieur à l'autre en matière de foi. À tout ça, à ces mots, il faut ajouter aussi l'usage d'expressions classiques en Église, les termes de grand frère, de frère aîné dans la foi, sont des expressions qui ont tendance à renforcer le sentiment de proximité entre l'accompagnateur et l'accompagné, l'accompagneur étant le frère aîné dans la foi, en soulignant des liens quasi familiaux. Donc tout ce climat particulier qui invite le candidat à se rapprocher peu à peu de cet accompagnateur qui devient pour lui un véritable autrui significatif dans l'institution, pour reprendre le mot de Peter Berger et Thomas Luckmann, qui devient pour lui un modèle et qui devient pour lui très souvent un ami en fait. J'ai pas regardé le temps. Regarde, un quart d'heure. Ok, bon, alors je peux vous donner ça sur l'idée d'autrui significatif. Donc parfois ça devient même plus qu'un ami, puisque donc Mathilde, une jeune baptisée qui est originaire du Cameroun et qui s'est installée à Paris à l'âge de 17 ans pour y faire ses études, elle a 24 ans quand je la rencontre, elle est étudiante en master de gestion et elle me décrit sa relation avec son accompagnatrice Nicole dans ces termes-là. Elle me dit « Quand j'ai trouvé Nicole, j'ai retrouvé un peu ma mère ». Moi, je considère Nicole aujourd'hui comme ma deuxième maman, ma maman de Paris, c'est comme ça que je l'appelle. Moi, je lui dis, tu l'appelles maman? Et elle me dit, oui, je l'appelle maman. Et son mari, qui est mon parrain, je l'aime énormément aussi, j'ai pas de mots pour décrire cette relation, c'est vraiment une relation divine. Donc là, on a un dispositif dans lequel la relation devient si intense qu'elle reproduit l'amour d'une fille pour sa mère. Alors, c'est pas toujours aussi intense, mais c'est possible. Et ça nous renvoie aussi à ce que Berger et Luckmann écrivaient, à savoir que pour que la socialisation secondaire soit la plus radicale possible, il faut que le contexte socialisateur parvienne à reproduire l'intensité de la socialisation primaire. Bon, je ferme cette parenthèse et je reviens sur la question de l'invisibilisation de l'institution. Donc tout ce travail de dénégation de l'autorité de l'accompagnateur, ça apparaît un petit peu comme le prix à payer pour que toutes les transformations qui surviennent chez le candidat soient interprétées comme des indices de sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et cette invisibilisation va si loin que parfois l'accompagnateur disparaît carrément. Donc ça, c'est une illustration qu'il y a sur un fascicule destiné aux accompagnateurs. C'est censé représenter la relation d'accompagnement. L'accompagnateur ne figure pas sur la relation d'accompagnement. Sur cette image, on voit le catéchumène, qui est aveugle, là, et qui est conduit par Jésus-Christ. Quoi. Alors, bon, on a donc cette dénégation de l'autorité qui est visible dans les textes, qui est visible dans les représentations, etc. Eh bien, elle s'incarne, d'un point de vue pratique, dans tout un rapport à l'autre, dans tout un langage, toute une série de techniques qui sont enseignées aux accompagnateurs, et que certains aussi, en fait, connaissent déjà, notamment du fait de certaines trajectoires professionnelles. Alors, donc je vais vous parler rapidement d'un cas particulier, très, très rapidement, qui, je crois, incarne des tendances collectives. Dans le microcosme du catéchuménat parisien, un accompagnateur qui ne se forme pas, c'est un accompagnateur douteux. Hein, donc ils sont fortement invités à s'engager dans une démarche de formation continue. Alors qu'est-ce qu'ils apprennent dans ces formations? Les fameux savoir-être et savoir-faire. On me dit aussi des recommandations d'ordre pédagogique, comportemental. Donc ce sont des formations dans lesquelles on parle, je suis allé observer, hein, dans lesquelles on parle d'écoute active, de posture compréhensive, de bienveillance, d'empathie, avec toujours en toile de fond un thème biblique, des extraits de la Bible, etc. Et cette écoute, cette bienveillance, cette empathie, etc., ce sont à la fois des qualités naturelles, puisque les accompagnateurs sont supposés les porter en eux dans leur personnalité. Hein, ils sont recrutés sur la base de ces qualités innées. Donc il y a une forme de naturalisation de ces dispositions. Mais ce sont aussi des qualités qui sont perçues comme des outils qu'il faut travailler, qu'il faut affûter continuellement dans ces formations pour toujours mieux écouter, pour être toujours plus bienveillant, toujours moins jugeant. Et donc ils sont invités à travailler sur eux-mêmes dans ces formations, à lire beaucoup aussi pour prendre conscience de ce qu'ils doivent améliorer. Alors, au fond, hein, l'objectif de l'usage de ces outils, qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise aussi, hein, de ces compétences relationnelles, eh bien, c'est de tenter d'évacuer toute forme d'autoritarisme et de directivité dans la relation d'accompagnement. Alors, il se trouve que certains milieux professionnels mobilisent eux aussi ces compétences et outils spécifiques. Dans ces milieux, on parle de CNV, la communication non violente, le sens de l'écoute, de la négociation. Alors, on va prendre l'exemple de Jean. Donc Jean, il a 75 ans, il est accompagnateur depuis une dizaine d'années quand je le rencontre. Sa femme est également accompagnatrice. Elle a été très longtemps responsable d'aumônerie. Ils sont tous les deux des catholiques du berceau, hein, comme on dit, des pratiquants assidus, très investis dans leur paroisse. Et aujourd'hui, Jean, il est à la retraite et il me dit qu'il a longtemps travaillé dans les RH. Donc il me dit la chose suivante. Je faisais la formation à l'entreprise, c'est-à-dire je travaillais la plupart du temps avec des jeunes cadres d'entreprise, donc des diplômés la plupart du temps. Mais écoutez, s'il y a une chose que j'ai pu apprendre dans ce métier, c'est de prendre en considération les gens. C'est basique, mais voilà. Pour les prendre en considération, il faut déjà les entendre. Mais voilà, il faut savoir écouter, et après cela, il y a tout un travail de pilotage à faire, parce qu'il faut passer à une vitesse supérieure de concrétisation, de développement, de réalisation, etc. Donc voilà, le travail que moi j'ai fait pendant toutes ces années, mais finalement un peu utile quand même, pour le travail d'accompagnement au sein du catéchuménat. Donc, pendant la discussion, Jean m'explique qu'il a lui-même beaucoup suivi de formations sur la communication en entreprise, sur l'accompagnement des individus, des équipes, sur les techniques d'entretien, de reformulation. Et donc, il établit, là, on le voit dans l'extrait, il établit un lien de manière très lucide, en fait, entre ce qui constituait le cœur de son métier et son rôle d'accompagnateur au sein du catéchuménat. Donc, ça signifie qu'à l'échelle de l'individu, il existe une certaine continuité entre les éléments de socialisation incorporés hier dans la sphère professionnelle, une sorte de capital professionnel, pour le dire de manière très grossière, et l'actualisation, l'investissement de ce capital dans l'Église, dans la mise en œuvre de l'accompagnement. Et dans la suite de notre entretien, Jean me définit ce qui est pour lui le rôle de l'accompagnateur et sa manière donc d'accompagner. Alors il me dit, il faut que l'accompagnateur soit très attentif à la vie, à la problématique profonde de la personne. Il faut essayer d'entrer dans sa vie doucement et de comprendre ses mécanismes. Et là, c'est parfois assez déroutant, on trouve de tout. Il faut être très respectueux du cheminement des gens, tout en les conduisant quand même un peu, pour essayer de les faire avancer dans une voie. Donc c'est c'est bien grâce à l'important degré de proximité qui est assuré par ce dispositif-là, mais aussi grâce aux compétences relationnelles de Jean, que l'accompagnateur va être en mesure de faire avancer le candidat dans une voie en assurant un certain travail de pilotage avec, avec douceur. Alors on voit que là, en recrutant du personnel comme Jean, l'Église s'approprie ses savoir-faire, son sens de la communication non violente, ses compétences en matière d'écoute, de reformulation. En fait, la batterie de formation dont il a bénéficié dans son milieu professionnel, et l'Église les met à profit pour atteindre d'une certaine manière des objectifs de formation des candidats au baptême. Alors je conclue parce que je dois être en bout de temps. Donc je conclue en soulignant très rapidement que il me semble qu'on est face à quelque chose de très similaire à ce que François de Singly identifiait dans le fonctionnement des pédagogies dites libérales, anti-autoritaires dans les années 70. Alors je le cite, il disait que les réaménagements libéraux de la relation pédagogique consistent à dissimuler la dissymétrie de pouvoir, à faire comme si la délégation sociale de l'autorité pédagogique n'existait pas. Et il poursuit un peu plus loin en disant « Le pouvoir pédagogique dans l'éducation libérale masque ses interventions sous les apparences séduisantes de l'affection. » Donc je crois que la relation d'accompagnement, comme elle se présente là dans le cas du baptême des adultes, a beaucoup hérité de cet esprit de la pédagogie libérale des années 70, sans doute parce que des personnes comme Jean ont été recrutées et ont apporté avec elles leur disposition, leur représentation de l'homme, etc. Donc tous ces mots, la douceur, la bienveillance, l'écoute, l'empathie, le non-jugement, la non-directivité, etc., toutes ces choses qui viennent en fait, comme tu l'as dit, courant de la psychologie humaniste, eh bien cette nébuleuse de termes-là, elle s'impose aujourd'hui avec la force de l'évidence dans des secteurs qui se réclament de l'accompagnement, des secteurs très différents, accompagnement religieux ou non. Donc, bon, moi je vous ai présenté ces trois facettes du dispositif, ces trois éléments majeurs qui permettent de montrer, je crois, que pour assurer cette formation des candidats, des nouveaux chrétiens, l'Église catholique a dû littéralement se mettre à jour. En recrutant du personnel nouveau, en forgeant un dispositif pédagogique personnalisé dans lequel l'autorité institutionnelle déléguée ici à l'accompagnateur serait invisibilisée au profit d'une relation qui serait en apparence sans médiation entre le converti et Jésus-Christ. Donc l'idée, voilà, c'est bien entendu, on n'a pas de disparition de l'autorité institutionnelle, mais plutôt une forme de reconfiguration qui permet de former des individus en donnant, d'une certaine manière, l'impression qu'ils se transformeraient presque par eux-mêmes.